philosophie. Tu ferais mieux de lire on ferait, ça te rendrait un peu plus vrai. Tu nages en ta noyade, dans ta vie bien trop fade. Mais tu refais le monde de tes idées immondes. Tu dis qu'il y en a trop, des gris et des négros. Mais c'est eux qui travaillent, tous ensemble vaille que vaille. Pauvre bouquet misère, planté dans leur misère. Toi tu relis ta colère, car ta vie est une déserte. Alors ta solitude certitude qu'il y a un couple juif, la preuve même j'ai vu des juifs. Et tu refais le monde de tes idées immondes. Et tu refais le monde à chaque seconde. Et tu refais I'm falling soon.